Alors bonjour, ce soir comme ma courbe biorhythmique est encore une fois au plus bas et que j'ai pas grand chose dans la tête, j'ai décidé de vous conter un peu ce qui m'est arrivé cet été. Comme d'habitude, il m'arrive toujours des affaires incroyables. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive toujours à moi, mais peut-être parce que j'ai à vous les communiquer. Mais cet été, j'ai profité de mes vacances pour louer un petit chalet à Saint-Sauveur. Passer 2 semaines de repos complet. Enfin, c'était ce que je supposais. Mais ça a été 2 semaines de concerts, de tondeuses à gazon et tout. Et tout. Si bien qu'un soir, j'étais très heureux de voir le téléphone, d'entendre le téléphone sonner. Et puis, c'était ma tante Eva qui me téléphonait. Ma tante Eva, je vous en ai jamais parlé de ma tante Eva. Eva Evien, vous la connaissez pas? Ma tante, celle qui est mariée avec mon oncle Gérard Mansoif. Gérard Mansoif, non. Bon, je n'en ai jamais parlé. Elle me téléphonait et puis elle me disait « C'est justement ma fête, ça me ferait plaisir que tu viennes à mon anniversaire, il y a une grande fête ce soir, toute la parenté est réunie à la chute, etc. » Fait que j'étais pas trop loin de là. Je dis « Ok, ça tombe bien, j'ai rien à faire, c'est le fun. » Fait que j'ai pris ma petite auto, puis je suis parti sur la route 158 en direction de la chute. Et c'est là qu'il m'est arrivé une histoire incroyable. J'étais donc, je venais de quitter Saint-Sauveur pour aller vers la chute, et subitement, je vois une lumière qui traverse le ciel, puis qui tombe dans le champ sur ma droite. Et comme c'était au mois d'août, je me suis dit, bon, ben, ça doit être la pluie d'astéroïdes anabolisants, là, qui annonce chaque année. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sauf que la lumière restait là, dans le bois, dans la forêt. Bon, j'ai pas fait plus attention que ça, j'ai continué ma route. Mais c'est là que j'ai entendu, comme tousser à l'intérieur de mon auto, j'ai entendu, là, je regarde dans le rétroviseur, il y avait quelqu'un d'assis dans mon auto. Je vous assure. J'étais assez surpris, j'ai demandé, mais d'où sortez-vous? Qui êtes-vous? Par où êtes-vous entré? En tout cas, qu'est-ce que vous faites ici? Une espèce de type à l'arrière, dans mon auto, il me dit, bah, je suis rentré par le toit ouvrant. Mais je dis, mais qui êtes-vous? Ben, il dit, je suis un ange. Je dis, d'où venez-vous? Ben, il dit, du royaume. Mais je dis, qu'est-ce que vous voulez? Mais il dit, au moment où vous avez vu l'astéroïde tomber, vous avez fait un vœu. Ben, j'étais sur le point de le faire. Ben, il dit, moi, je suis l'ange des vœux. Fait que j'apparais. Vous m'avez sollicité, vous m'avez invoqué, je suis là dans votre auto. Alors, allons-y, faites votre vœu. Ben, je dis, c'est quoi que vous me proposez? Y a-t-il des vœux particuliers qui sont acceptés, d'autres sont refusés? Non, allez-y, tous les vœux que vous voulez, là, les pouvoirs. Puis là, il me sort une liste de pouvoirs qu'il avait avec lui, là. Puis dans cette liste-là, il y avait le pouvoir de deviner les secrets, le pouvoir de prédire l'avenir, d'apparaître dans les rêves, de lire dans les pensées, le pouvoir de performer, de faire le 100 mètres en 9 secondes et demie, d'agir sur les autres à distance, de faire de l'or, de plier des fourchettes, d'arrêter des montres, de magnétiser des foules, de télévangéliser, comme le révérend père, comment est-ce qu'il s'appelle, Verti, le révérend père Verti, là, ok. En tout cas, toute une liste de pouvoirs qu'il me proposait. Bon, il me disait, il y a juste à cocher, puis signer en bas. Tu sais. J'ai dit, bon, dans tous ces pouvoirs-là, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Est-ce que vous auriez, par hasard, dans votre liste, le pouvoir de vivre en paix, hein? Pouvoir vivre en paix avec soi-même et avec tout le monde. Ah, il dit non, ça fait pas partie de mes attributions. Mais je dis, est-ce que vous avez alors le pouvoir, par exemple, de discerner entre le bien et le mal? Ah non, il dit, ça fait pas partie de mes attributions, là, vous frappez pas à la bonne porte. Ben, je dis, je m'excuse, je signerai rien, il y a rien qui m'intéresse sur votre liste de pouvoirs. D'ailleurs, de toute façon, chaque fois que j'ai signé quelque chose, là, je me suis fait avoir, soit chez le garagiste, ou alors chez mon assureur, on se fait toujours avoir quand on signe. Je signe pas. Il dit, bon, il dit, je respecte votre volonté, mais à ce moment-là, il faut me renvoyer. Ben, je dis, comment je vais faire pour vous renvoyer? Ben, il dit simplement, il dit, renvoyez-moi. Ben, je dis, retournez donc d'où vous venez, hein, dans votre royaume. Fait que, il a disparu aussitôt. Elle est repartie par le toit. Je l'ai vue s'envoler. Je l'ai suivie encore aussi loin que je pouvais. J'ai vu ses ailes. Il y avait des ailes de chauve-souris. Ça, c'était étonnant pour un ange, mais en tout cas. Et je l'ai vue finalement disparaître dans une bouche d'égout. C'est curieux comme place pour un royaume, en tout cas. Mais là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'avais rendez-vous avec ma tante Eva et Vien à la chute, dans une église, enfin dans le sous-sol, parce qu'elle fait partie de... des toqués, c'est un groupe, c'est ETOC, le groupe c'est l'église traditionnaliste d'orientation charismatique et scientifique réunie, ETOC. Fait que moi j'allais la chercher à la porte, la voilà qui sort, puis elle était toute heureuse, elle dit « tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver ». J'étais dans mon groupe de charismatiques, on faisait une chaîne d'énergie, et puis là, il est apparu un ange en plein milieu de la chaîne d'énergie. Et elle était assez contente, parce que ça faisait longtemps qu'elle investissait dans ETOC. Elle avait déjà hypothéqué 3 fois sa maison pour faire des dons à l'église. Puis là, elle attendait un retour, puis enfin, c'était son tour, là. Et l'ange lui a demandé, bon, ben, quel pouvoir veux-tu ? Moi, j'ai rien dit. J'ai pas dit que l'ange, moi, je l'avais pris en autostop et qu'il était sorti par le soupirail de son église après, en tout cas. Mais je dis, finalement, as-tu trouvé un pouvoir, quelque chose qui faisait ton affaire? Elle me dit, oui, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Je lui ai demandé le pouvoir d'avoir toujours raison. Mais je dis, pour quoi faire? Elle m'a dit, pour planter les témoins de Jéhovah à la maison. Eux autres, hein, ils ont toujours raison, quand ils t'ouvrent la Bible, ils te plantent tout le temps. Là, ça va être un autre tour, là, c'est fini de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Tu sais. Là, j'ai dit, bon, ouais. Elle me dit, dis-moi pas que j'ai eu tort. J'ai dit, non, t'as eu raison. Elle me dit, tiens, tu vois, ça marche, déjà. Hein. Ouais, je me suis demandé, les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, mais je me demande si, souvent... Ce serait pas le contraire si on prendrait pas, nous autres, des canards sauvages pour des enfants du bon Dieu. Ça a été ma réflexion cet été, vis-à-vis de cette rencontre avec cet ange-là. Et puis, pour avoir plus d'informations là-dessus, ben ça tombe bien ce soir, on a justement Bernard de Montréal qui est là, comme par hasard. La Providence fait bien les choses, alors on l'accueille sans plus tarder. Monsieur Bernard de Montréal. Qu'est-ce qui vous a compté pendant 10 minutes? Il jongle, le pépé, avec les paroles, hein? Mais il a du talent. Ce soir, il y a beaucoup d'ufologues dans la salle. Je ne sais pas pourquoi, parce que je parlais de ma tante Eva. Et ça n'a aucun rapport avec les extraterrestres. Mais j'en ai reconnu 4 dans la salle parmi les plus compétents au Québec. Je ne sais pas ce qu'ils viennent chercher ici, peut-être de l'information qui ne soit pas à caractère essentiellement scientifique. Vous savez, Bernard, à travers toutes ces années où je vous ai rencontré, il y a une des choses qui m'intéresse particulièrement dans l'enseignement, dans l'instruction que vous donnez, c'est tout ce qui touche au plan astral. Moi, j'ai de la misère à me le situer, ce maudit plan astral. Depuis le temps qu'on en parle, j'y cherche une correspondance physique. J'aimerais savoir où on le situe, physiquement, géographiquement, de façon palpable. Est-ce qu'on peut s'en faire une représentation imagée? Le plan astral, c'est un monde. C'est un monde qui n'est pas matériel, naturellement. Mais qui est connecté avec le corps astral de l'homme. C'est